voici une émission Joueur Âgé Courage un peu spéciale, car c'est une émission enregistrée au préalable. Au menu, on va commencer par un son qui date d'il y a un peu plus de 12 ans. C'était lors d'un précédent mouvement de grève contre les retraites. C'est un extrait d'une émission marseillaise, basse intensité. Je pense que ça va parler et faire écho à ce qui se passe aujourd'hui dans les rues. Préavis de guerre. Il y a peu, le président Sarkozy menaçait en off de nous envoyer l'armée si la France restait bloquée 2 mois. Nous sommes en guerre contre un ennemi rusé et sans pitié qui est prêt à n'importe quoi pour détruire notre mode de vie démocratique. Ce qu'il y a de plus triste dans la situation présente, ce n'est pas tant que le président d'une démocratie moderne menace d'employer des moyens militaires pour mettre fin à un mouvement social à peine amorcé, ce n'est pas non plus que nous courions le risque d'être défaits en cas d'affrontement massif. Non, le plus triste de toute cette histoire, c'est qu'au vu de la faiblesse actuelle du mouvement ouvrier, vu le peu d'organisation entre nous, travailleurs, précaires, chômeurs, et l'apathie qui semble régner actuellement en France, les chars n'auront vraisemblablement pas à sortir de leurs casernes. La guerre qui nous est faite se joue ailleurs, dans les innombrables contrôles que nous devons subir tous les jours, au boulot, dans le métro, à la NPE, dans l'occupation de nos vies par les forces de l'ordre et du travail. Et c'est là déjà que nous subissons les défaites et les humiliations quotidiennes qu'on nous vend comme faisant partie de l'ordre des choses. C'est de là aussi que nous devons reprendre l'offensive. Pour s'opposer à cette mise au pas généralisée, les journées de mobilisation ne suffiront pas. Pourtant, il y a dans les arrêts de travail qui se multiplient à cette occasion un moment à saisir pour se rencontrer, pour développer des solidarités qu'on peut mobiliser à bien d'autres fins que la prochaine journée d'action. Déjà, à l'éphémère rassemblement d'individus, aussi nombreux soient-ils, que sont les manifestations-processions, s'ajoutent ça et là des piquets de grève qui sont autant de lieux où peuvent s'ancrer une conflictualité, se nouer des complicités et opérer un blocage réel de l'économie, plutôt qu'un simple ralentissement de l'activité lié à un jour chômé. Cette capacité de blocage constitue encore une menace. C'est ce qui effraie encore un peu la France d'en haut, c'est ce qui pousse Sarkozy à évoquer l'intervention des tanks pour calmer le jeu. Parce que la guerre sociale se joue là pour commencer. Bloquer réellement pour reprendre un peu de la vie que le travail nous arrache tout aussi réellement. Extrait d'un tract distribué à Lyon le 18 octobre 2007 lors de la première journée de mobilisation des cheminots. Durant la récente grève des cheminots et les mobilisations des agents d'EDF et de GDF contre la réforme des régimes spéciaux de retraite, nous avons eu le plaisir de nous rendre compte qu'une bonne vieille pratique de résistance ouvrière n'avait pas complètement disparu dans nos démocraties pacifiées. Le sabotage. Le 21 novembre, au tout petit matin, à quelques heures des premières négociations entre gouvernement et syndicats, c'est sur les 4 lignes à grande vitesse au départ de Paris que plusieurs actes de malveillance ont été commis. Des kilomètres de câbles sérieusement endommagés par des incendies, jusqu'à une 30aine sur la ligne du TGV Ouest, des commutateurs de signalisation fermés, un centre de signalisation partiellement incendié ont provoqué plusieurs heures de retard pour les trains qui recommençaient à circuler normalement après plusieurs jours de grande paralysie du trafic. L'ensemble de la classe politique et syndicale s'est offusqué, tant mieux. Déjà, les jours précédents, dépôt du ballast sur les aiguillages, vol de clés de démarrage de locomotives, allumage de torches ou dépôt d'obstacles sur les voies, fermeture de signaux, ou tout simplement occupation des voies par des grévistes, ont empêché les jaunes de travailler tranquillement. Dans la nuit du 14 au 15 novembre, la gare de Gap a été prise pour cible par de joyeux lurons qui ont brisé les vitres des 4 guichets de la gare, cassé les panneaux d'affichage électroniques, fracassé les distributeurs automatiques de billets et les ordinateurs. Dans la région marseillaise, c'est l'aiguillage à l'entrée de la décharge d'Entresang dans la plaine de la Croix qui a carrément été meulé. C'est là qu'arrivent chaque jour plusieurs trains acheminant les centaines de tonnes d'ordures ménagères quotidiennes de la communauté urbaine de Marseille. Ils ont été remplacés pendant plusieurs jours le temps d'effectuer les réparations par 70 camions. Ces actes de destruction ont été malheureusement accompagnés de quelques interpellations. Déjà, un cheminot que même la direction jugeait comme un employé modèle a pris en comparution immédiate 4 mois avec sursis à Thionville pour avoir brisé des vitres d'un poste d'aiguillage, où il s'était embrouillé avec des traîtres qui avaient repris le boulot. Deux autres employés de la SNCF comparaîtront le 17 décembre pour entrave à la circulation de trains lors d'une manifestation le 16 novembre à côté de Nancy. Espérons que personne d'autre ne sera inquiété par la flicaille et les juges et que si c'est le cas, à chaque coup de leur part, répondront autant d'actes de solidarité active, c'est-à-dire offensive. Commentant une de ces exactions, un sous-fifre de la direction de la CGT a voulu rappeler que son syndicat a toujours défendu l'idée du respect de l'outil de travail. C'est exactement pour cela que nous considérons les syndicats comme des ennemis de classe. Et ça nous donne même envie de nous replonger en souvenance de ce sympathique Émile Pouget, auteur en 1911 du célèbre pamphlet « Le sabotage », alors qu'il était un responsable de la CGT autrement combative. Dans le même temps, des ouvriers énervés d'EDF opéraient des coupures ciblées d'électricité dans une dizaine de villes. Et toujours ces dernières semaines, ce mouvement contre la loi LRU, surtout étudiants et lycéens, qui porte également quelques promesses d'une radicalisation des pratiques de résistance, dès lors qu'il s'agit surtout de s'affronter à ce monde, bien plus qu'à une énième loi. De manifs qui se débordent en blocage où on reprend le temps de rencontrer des complices, le temps de comploter, le temps de suspendre le temps du travail. Un blocage d'un dépôt de bus, d'une voie rapide, sabote par le fait un bout de circulation, cette circulation qui est avant tout celle des travailleurs et de la marchandise. Alors, puisse le sabotage et autres actes de vandalisme, de voyouterie, égayer non seulement ce qu'on appelle les mouvements sociaux, mais également l'apathie de ce monde si ennuyeux. Grâce 2012, un aller simple en poche, vol 312, planqué sous une moumoute, quitte à devoir me cacher dans la soute. Fallait que je prenne la fuite une bonne fois pour toutes. Barrage de police sur la bretelle d'autoroute, allant du casse-croûte, planté comme des boy scouts. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je n'ai plus de doute là. Ils feront tout pour me barrer la route, coûte que coûte. Et ça n'a pas manqué, menottes au poignet bien serré. Avant même d'atteindre l'aéroport, les cops m'ont serré. Incarcéré, ils enferment comme un poseur de bonbonnes. J'écope d'une telle peine, pourtant j'ai tué personne. Meurtrier pour quelques machine assassinée de bon ton, fascinée à les couler dans le béton, même les calciner. On croit que j'hallucinais, admettons, mais reste une question à élucider. Matériel, killer, première page, portrait robot. Pourtant, je suis qu'un simple vandale à qui on veut faire porter le chapeau. Photo flashée comme un ex-voto, fiché, jeté au cachot, la foule crie, c'est pas trop tôt. Mais on m'a mis sur le dos bien plus de délits que tout ce que j'ai pu avoir commis. Et c'est ainsi qu'ici je croupis. 3 mètres sur 4 pour une cellule sans autre décor qu'une mystérieuse gravure sur le mur qui me rend, tu es mort. T'alarmes vraiment, reste les pieds sur terre, explique-moi concrètement tes premières manifestations de tes actes de violence, violence. J'ai commencé par assassiner ma télé, sans aucune pitié, c'est elle qui l'a cherché à déblatérer sans arrêt, pour m'habiller de la tête aux pieds, avec des programmes de nier, contrôler mon stress, pour s'immiscer dans mon cortex. Ah je vois quoi d'autre? Le téléphone. Quoi, t'es pas dans sa sonne? Non, je supporte pas ces voix de fantômes, des mots sans corps qui te sonnent comme ça la chante. Donc si tu tourmentes ainsi? Rien de m'innocente ici, mais je sais ce qui me hante, c'est que la communication soit devenue un produit destiné à la vente, dont on use et abuse à outrance. Schizophrénie en apparence. Toi, tu trouves ça normal, tous ces gens qui te parlent et qui ont rien à dire, pas moi. Et c'est bien ça qui m'a poussé à agir. We'll be right back. voilà, de retour sur le 89.5 FM Radio Dio. Toujours Joie, Rage et Courage, une émission enregistrée au préalable. Voilà, on vient de passer du coup un extrait, une archive de l'émission Basse Intensité. Et là, on va repasser un extrait de cette même émission qui parle de la traduction d'un livre, d'un texte italien, La Joie Armée, La Gioia Armata, de Bonanno, et voilà. Une nouvelle traduction de La Gioia Armata de Alfredo Maria Bonanno vient de paraître sous forme de brochure. Ce texte de 1977 n'était pas tout à fait inconnu en France. Une première traduction en avait été publiée dans la revue Asymétrie en 2003. On peut se demander l'intérêt de ressortir, plus de 30 ans après sa rédaction, une vieillerie italienne. En fait, malgré un contexte radicalement différent, ce texte n'a pas tant pris la poussière que ça. Pour mémoire, on cite ce que Bonanno himself écrivait en intro à l'édition anglaise de son texte en 1993. Ce livre a été écrit en 1977, au moment où des luttes révolutionnaires se déroulaient en Italie. Il faut avoir à l'esprit la situation de l'époque pour le lire aujourd'hui. Le mouvement révolutionnaire, y compris des anarchistes, était dans une phase d'extension et tout semblait possible, même une généralisation de l'affrontement armé. Mais il était nécessaire de se prémunir de la spécialisation et de la militarisation qu'une minorité de militants voulait imposer aux dizaines de milliers de camarades qui combattaient avec tous les moyens possibles la répression et la tentative de réorganisation, plutôt inefficace il est vrai, du capital par l'État. C'est ce qui se passait en Italie, mais quelque chose de similaire avait lieu en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Il semblait essentiel d'empêcher que les nombreuses actions menées chaque jour par les camarades contre les hommes et les structures du pouvoir soit intégré à la logique planificatrice d'un parti armé comme les Brigades Rouges en Italie. En effet, on ne se souvient plus guère que des Brigades Rouges quand on pense à l'Italie des années 70. L'histoire, toujours écrite par les vainqueurs, ne mentionne que rarement l'ambiance insurrectionnelle et le fourmillement d'initiatives qui se déroulaient un peu partout en Italie depuis plus de 10 ans. Grève massive des loyers et lutte de quartier, autoréduction des titres de transport et des factures, razzia dans les magasins, insoumission et révoltes ouvrières, sabotage, affrontements et guérillas urbaines, et aussi d'innombrables expériences de vie et de réflexion collective. Au point qu'en mars 77, les chars durent même rentrer dans Bologne pour mater un soulèvement. Qu'est-ce que c'est au juste comme pays, l'Italie ? Un distributeur d'emmerdement ? Pour en revenir au texte, mis à part quelques références, le propos reste un support à de nombreux débats et questionnements. Refus du travail, rapport communisme-anarchisme, tyrannie du nombre, usage de la violence, etc. Avec ses formules provoques et autres affirmations à l'emporte-pièce, Bonanno a cet art, appréciable en ces temps de bredouillage politique plus ou moins consensuel, de nous secouer un peu et de nous pousser à la réflexion et peut-être à l'action. Alors, pour vous donner envie d'en savoir plus, on cite quelques fragments de sa prose. Même l'exploité trouve le temps pour jouer, mais son jeu n'est pas joie. C'est une liturgie macabre, une attente de la mort, une suspension du travail utilisée pour évacuer la charge de violence accumulée au cours de la production. Dans le monde illusoire de la marchandise, le jeu aussi est illusoire. On se fait croire que l'on joue, alors qu'on ne fait rien d'autre que répéter de façon monotone les rôles assignés par le capital. En prenant conscience des mécanismes d'exploitation, la première chose à laquelle on pense, c'est la vengeance. La dernière, la joie. La libération est vue comme recomposition d'un équilibre rompu par la méchanceté du capital, non comme avènement d'un monde du jeu qui se substituera au monde du travail. C'est la première étape de l'attaque contre les patrons. La phase de la conscience immédiate. Ce qui nous frappe, ce sont les chaînes, le fouet, les murs des prisons, les barrières sexuelles et raciales. Tout ça doit s'effondrer. Pour cela, nous nous armons. Et pour cela, nous frappons l'adversaire, le responsable. Tous autant que nous sommes, nous croyons avoir fait l'expérience de la joie. Au moins une fois, chacun de nous a cru se réjouir dans sa vie. C'est seulement que cette expérience de la joie est toujours à la forme passive. Il nous arrive de nous réjouir. Nous ne pouvons pas vouloir notre joie comme nous ne pouvons pas forcer la joie à se reproduire. Tout ça, cette séparation entre nous et la joie, provient du fait que nous sommes séparés de nous-mêmes, coupés en deux par le processus d'exploitation. Nous travaillons toute l'année pour avoir la joie des vacances. Quand elles arrivent, nous nous sentons dans l'obligation de nous réjouir du fait d'être en vacances. C'est une torture comme une autre. De même pour le dimanche, un jour hallucinant. la raréfaction de l'illusion du temps libre nous donne à voir la vacuité du spectacle marchand dans lequel nous vivons. Le même regard absent se pose sur le verre à moitié vide, la télévision, la partie de foot, la dose d'héroïne, l'écran de cinéma, les longues files d'automobiles, les enseignes publicitaires, les pavillons préfabriqués qui ont fini de tuer le paysage. Chercher la joie dans une des innombrables représentations du spectacle capitaliste est pure folie. C'est exactement ce que veut le capital. L'expérience du temps libre programmée par nos exploiteurs est létale. Elle fait désirer le travail. On finit par préférer la mort certaine à l'apparence de la vie. Aucune joie réelle ne peut nous venir du mécanisme rationnel de l'exploitation capitaliste. La joie n'a pas de règles fixes qui puissent l'organiser, même si nous devons pouvoir vouloir notre joie. Sinon, nous sommes perdus. La recherche de la joie est donc une action de la volonté. Une négation forte des conditions fixées par le capital, c'est-à-dire de ses valeurs. La première de ces négations, c'est la négation de la valeur du travail. La recherche de la joie ne peut advenir qu'à travers la recherche du jeu. De cette façon, le jeu prend une signification différente de celle que nous sommes habitués à lui donner dans la dimension du capital. Le jeu que l'on oppose, en tant qu'oisiveté sereine, à la responsabilité de la vie, est une image fausse et distordue de la réalité du jeu. Dans la réalité de la lutte contre le capital, au stade actuel de l'affrontement et des contradictions relatives, le jeu n'est pas un passe-temps, mais une arme de lutte. Par une ironie étrange, les choses s'inversent. Si la vie est une chose sérieuse, la mort est une illusion, dans la mesure où tant que nous vivons, la mort n'existe pas. Désormais, le règne de la mort, c'est-à-dire le règne du capital, qui nie notre existence d'humain en nous réduisant à des choses, est extrêmement sérieux. En apparence, méthodique et discipliné. Mais son paroxysme possessif, son éternel rigorisme éthique, sa manie du faire, cache une grande illusion. Le vide du spectacle marchand, l'inutilité de l'accumulation indéfinie, l'absurdité de l'exploitation. Ainsi, le plus grand sérieux du monde du travail et de la productivité cache le plus grand manque de sérieux. A contrario, la négation de ce monde obtus, la recherche de la joie, du rêve, de l'utopie, dans son manque de sérieux proclamé, cache la chose la plus sérieuse de la vie, la négation de la mort. Même de ce côté de la barrière, dans l'affrontement physique avec le capital, le jeu peut prendre des formes différentes. Beaucoup de choses peuvent être faites par jeu. Beaucoup de choses que d'ordinaire nous faisons avec sérieux, en arborant notre masque de mort, celui que le capital nous a prêté. Le jeu se caractérise par une impulsion de vie, toujours nouvelle, toujours en mouvement. En agissant par jeu, nous intégrons cette impulsion à nos actions. Nous nous libérons de la mort. Le jeu nous permet de nous sentir vivants, il nous donne l'émotion de la vie. Dans l'autre façon de faire, nous prenons tout comme une tâche, comme quelque chose que nous devons, comme une obligation. C'est dans cette émotion toujours nouvelle, exact inverse de l'aliénation et de la folie du capital, que nous pouvons identifier la joie. Dans la joie réside la possibilité de rompre avec le vieux monde et d'identifier des objectifs nouveaux, des besoins et des valeurs différents. Même si la joie en tant que telle ne peut être considérée comme le but de l'être humain, elle est sans aucun doute la dimension privilégiée, volontairement identifiée, qui rend différent l'affrontement avec le capital. Mettons de côté les attentes, les hésitations, les rêves de paix sociale, les petits compromis, les naïvetés. Tout le bric-à-brac métaphorique qui nous est proposé dans les magasins du capital. Mettons de côté les grandes analyses qui expliquent tout, jusqu'aux plus petits détails. Les gros livres pleins de bon sens et de peur. Mettons de côté l'illusion démocratique et bourgeoise de la discussion et du dialogue, du débat et de l'assemblée, des capacités éclairées des chefs. Mettons de côté le bon sens et la sagesse que la morale bourgeoise du travail a enfouie dans nos propres cœurs. Mettons de côté les siècles de christianisme qui nous ont enseigné le sacrifice et l'obéissance. Mettons de côté les prêtres de tous ordres, les patrons, les leaders révolutionnaires, ceux moins révolutionnaires et ceux pas révolutionnaires du tout. Mettons de côté le nombre, les illusions du quantitatif, les lois du marché, l'offre et la demande. Asseyons-nous un instant sur les ruines de notre histoire de persécutés et réfléchissons. Le monde ne nous appartient pas. S'il a un patron et que ce patron est assez stupide pour le désirer, comme c'est le cas, qu'il le prenne, qu'il commence à compter les ruines en lieu et place des palais, les cimetières en lieu et place des villes, la boue en lieu et place des rivières, la vase infecte en lieu et place des mères. Le plus grand spectacle d'illusionnisme au monde ne nous enchante plus. Nous sommes sûrs que de notre lutte, ici et maintenant, émergeront les communautés de la joie. Pour avoir écrit ces lignes, Bonanno a été condamné à 18 mois de prison. Sur ordre du ministère de l'Intérieur, le livre devait même être brûlé. Ok, singe des rues, 2013, y'a plus le temps. Parce qu'on n'a pas le choix des armes, parce que c'est le taf ou la tôle, parce qu'on y passe tous, plus le temps. Déjà 8 piges, depuis le premier opus, un coup d'œil par-dessus l'époque, paye ton vertige. 2005, santé l'essence, 2013, attends l'incendie. Les tempes et les cernes se creusent en temps de crise. Mental en dents de scie, les taux se resserrent. Des prolétaires bâtissent des taux, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus de taf dans la zone, dresser les uns contre les autres, complète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres, les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les foncés de peau. La même rancaine, les mêmes cranquets sur le bon vieux thème d'un qui la faute. Pareil que c'est le printemps des faces, c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge qu'ont des salaires de Vichy, putain. À qui profite la crise et qui la paye, hein. Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide. Et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines, porcherie. Dans le fond, je piche toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière. Un kid d'âme qui s'immole au pôle emploi, ça traumatise que la guiche tière. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires. Des idoles, des tchétchas et des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre, combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front, les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Get la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, CB bloqué, on connaît ça par cœur. Okay. Passons, toujours la même merde, passons. RSA, rien ne s'arrange, restez assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, besoin des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on danse sur le fil, entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chanceux tiennent la caisse à Lidl quand nos petits montent au braco et se font tes sauts pour 2-3 billets de sang. Le bide d'un bib et de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol, à compter son bénéfice crédit ou à pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise. Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, saumonneille en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour, la marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse. En bas des portes tortures, dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse, comme les Wolves de Place Gezi. Fenerbahçe, Beşiktaş, à la guerre de classe comme à la guerre, même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir? 2013, y'a plus le temps. Crève la tôle, vit l'instant. Majeur en l'air face à l'état de ceux qui se lèvent en insultant. joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission un peu spéciale de Joie, Rage et Courage, donc qui était enregistrée le mois prochain. Normalement, on devrait être dans les studios et à l'antenne du 89.5. Voilà, en attendant, le blog Joie, Rage et Courage est toujours opérationnel. N'hésitez pas à aller faire un tour, écouter les anciennes émissions, réagir sur la boîte mail clapclap@riseup.net et puis aller faire un tour dans la rue. Il s'y passe plein de choses en ce moment. Ciao!